la caille. Gang. 9-4. Hein? Je te laisse pas de terre. Si tu parles dans ta barbe, je te laisse par terre. Ce beau capé, des gens qui savent pas le faire. Parlant cash dans sa cité, on le laisse par terre. La plaque de l'inspecteur, je connais par cœur. Je connais des mecs en se plaque, ils ont pas de cœur. Chargé dans la govane et gros pas de cœur. Ils l'ont déjà mise dans la tête, ils visent pas le cœur. Renouvellement décembre, ils ont pas de preuves, c'est pour la grève qu'on va descendre. Tous les jours au quartier, ils font des descentes. Un jour, c'est sûr qu'on va devoir laisser descendre. On pense à la famille, donc faut du papier. Faut des apps, des touches, donc faut monter la pente. Le crypto en panique, je lui dis qu'il repasse. Y'a la peste du à pied qui redescend la pente. Ché. Tous les jours, good day, à venir toute heure. Réveillé en pleine nuit par des coups de feu. Le gamo s'est coupé, c'était pas les pleins farces. Sûrement la mort qui t'attend au feu. Des matons, j'en ai trois dans la poche. Et les bords, j'en ai deux dans la poche. Le tampon, je l'ai mis sur la quête plat. Et le blaze est gravé dans la roche. Je viens en bas et je vais monter en haut. Me noter dans la et dans le film ça arrête en VO. Il me faut la SACM d'OVO. Dalle cash comme Aisho Speed. Et le produit est mis sous vide. Et on braque car le frigo est vide. Let's go. On se contente depuis, on a vu ce qui s'est passé. Des frères en tôle, franchement c'est pas ça. Remonte la patate, t'assures si c'est passé. Ça recompte le rallye, si faut qu'il y ait tout ça. A6, périph, A6B. En dehors j'ai trop l'air d'un suspect. J'suis tout seul, tu connais ça suce pas. J'ai commencé par la hagra, je veux tout spé. On connaît les dangers, on l'a fait ensemble. Et la balance, du coup ça l'a laissé en sang. Normal, il t'a baisé, il t'a appelé le sang. Rayé à la part, on repart jamais innocent. J'ai ricane plein d'essence, on sait ce qu'on fait, on sait qu'on risque les assises. Faut pas faire la salope et rester assis. Y'a des principes qui peuvent nous ramener aux assises. J'ai. Et le cercle, il est trois fois filtré. Et le shit, il est trois fois filtré. J'suis dans le penthouse, j'admire le succès à travers. Vers la baie vitrée. Si ça tire pas de biopic, j'suis déjà mort dans une autre vie. Mais eux c'est la veine, armés comme l'ambassade américaine. Y'a des tarpés dans le synopsis. Et les hops on les prend par 6. J'suis venu et j'ai cramé le studio. Y'a du sang sur le piste par piste. Tout pour être viral, j'veux des escaliers en spirale. Chargeur camembert, ils rêvent cette ville. Change l'espace aérien, j'repense à quand j'avais rien. Ils nous font les bandits, ils savent pas le faire. Ils provoquent des batailles, ils ont pas de fer. Ils veulent vendre du détail, ils ont pas de flair. Pas de polo, ça visère des fois pas de terre. On raconte nos vies, on les vit, on parle pas des gens qu'on connaît pas. Juste pour un aveu, il a gâché sa vie, elle l'a quitté. Vu qu'il y a un truc qui collait pas, j'ai senti qu'il mentait. Trafic ou parfois trafic de moto. Combien de fois j'ai caché le calibre dans l'auto. Tellement de péché que j'ai peur de la mort. J'étais assis devant les pistes par balai métaux. On est connu à mort. Réclusion criminelle ou vie sur la mer. On a des pots criminels pour 8 salaires. Le PNF en vrai, on va le niquer sa mère. On fait que tartiner. Si les condés passent, fais pas de ciné. Je connais son adresse, je peux venir devant chez lui. Sa baraque, ça peut la calciner. Si j'envoie des petits pour 2K devant chez lui. Mais tranquille, on reste concentré. Tranquille, on reste concentré. T'es dans le bon. La vie de ma mère, t'es dans le bon. Eh, écoute. Et ça surveille les bosseurs en drone. Et j'ai mis ma tristesse dans un cône. Le bruit du couteau, le silence des agneaux se passe sous un feu dans ta zone. Eux et nous on a rien en commun. J'ai un frère qui est toujours dans le coma. Dans mes yeux tu verras toute la tristesse. Celle des enfants qu'on oublie à Goma. Et j'ai jamais snappé dans le jet. Une dague quand je suis dans l'échec. Et je peux voyager en classe éco. Parce que là d'où je viens on est tous égaux. Et sur le terrain j'ai bossé tôt. Et le dossier est classé sans suite. Et le tarpé trouve les points sensibles. Et je me sens comme un shooter sensible.